L'apprentissage de la liberté. Suite à cette malheureuse erreur de casting, Faustine est tellement soulagée d'avoir échappé à un destin sordide qu'elle se lance avec frénésie dans une multitude d'activités et de distractions. Ayant sommairement meublé son intérieur, une table, deux chaises et une télé de location, elle se transforme en cigale et s'étourdit dans les nightclubs, chaque fois qu'elle ne travaille pas le soir. Il lui suffira de quelques semaines pour s'en lasser et ne plus jamais y revenir. Elle retrouve sa famille paternelle dès que ça lui chante. Ils passent plusieurs dimanches ensemble, faisant le tour de leur restaurant et endroit préféré. Faustine est initiée à la dégustation des fameux escargots dont ils lui ont tant parlé, et franchement, elle aime ça aussi, surtout avec du beurre aillé. Au bout d'un moment, elle se sent si bien dans sa famille paternelle qu'elle n'a plus du tout envie de la quitter. Elle y est comprise, acceptée, aimée inconditionnellement. Après tout, pourquoi ne s'installerait-elle pas à Bâle définitivement? Ses parents multiplient les projets. Tout d'abord, ils fêteront leur premier Noël ensemble. Puis, pendant les vacances de Pâques, en avril, ils lui feront connaître la petite station de ski qu'ils fréquentent chaque année dans les Alpes bernoises et lui apprendront à skier. Faustine se réjouit. La vie est belle, l'avenir radieux. Un matin, elle se prépare à aller travailler quand la porte s'ouvre. C'est René. Il est rentré de Suisse romande et une bonne âme qui lui a transmis la nouvelle adresse de la jeune femme. Il arbore un grand sourire. « Si tu m'offrais un café ?» Faustine répond qu'elle a très peu de temps, tout en mettant la bouilloire sur le feu. Quelques instants après, les deux s'asseyent à la table de la cuisine pour siroter le breuvage. René regrette que Faustine soit partie. Elle lui demande gentiment de revenir vivre avec lui. Il promet d'arrêter de boire et de la respecter. Il s'en veut d'avoir été violent. Une fois. Bon, allez, deux. C'était un accident, cela ne se reproduira plus. Promis, juré. Mais Faustine décline. Elle n'en veut plus, à son ancien compagnon, mais il est inutile de cacher la merde au chat. Ce n'est pas à son âge qu'il va changer. Toutes ses copines ont fait la leçon à la jeune femme. Elle, les enfants, le mariage, etc. ne sont pas une option non plus. Franchement, ils n'ont pas d'avenir ensemble. Ils le savent tous les deux. Il vaut mieux s'arrêter là. René, pas si mauvais bougre que ça, au fond, finit par accepter les arguments de Faustine. Il se résigne. Avant de s'en aller, il lui fait néanmoins promettre de l'appeler en cas d'ennui ou de besoin. Faustine promet et referme la porte à double tour. Un soir, au restaurant, revient le chauffeur routier qui était parti à Istanbul quelques semaines auparavant, celui qui a envoyé une carte postale à Faustine. En fait, il n'est pas si jeune que cela, le Bernard en question. Il a 10 ans de plus que la damoiselle. La soirée est calme en cette mi-novembre. Faustine peut se permettre de s'asseoir un moment. Bernard lui offre un verre, puis lui raconte son périple en Turquie. Il lui narre le long convoi qui s'est formé à la frontière avec des chauffeurs de tous les pays. Il y avait des Allemands, des Britanniques, des Polonais, des Français et des Suisses. Tout s'est bien passé, chacun a pu remplir son contrat. Ils étaient sur le chemin du retour, presque à la frontière, quand l'accident a eu lieu. Sortie de nulle part, une fillette s'est jetée sous les roues du poids lourd de tête. Elle est morte sur le coup. Alors les villageois, armés de fourches et de haches, se sont rués sur le camion et son conducteur. Ils l'ont sorti de l'habitacle et l'ont décapité, prenant ensuite sa tête au bout d'une pique. Bernard, encore traumatisé, avoue qu'il n'en menait pas large. Il est bien content d'être rentré sain et sauf, et une chose est sûre, il ne remettra plus jamais les pieds en Turquie. Faustine, de son côté, lui raconte ses propres péripéties. Un peu moins dramatique, mais quand même. Bernard la félicite d'avoir eu le courage de rompre et de partir. « Merci, » dit-elle avant de lui expliquer, en toute bonne foi, que désormais les hommes et elle, c'est fini. Elle ne veut plus en entendre parler. Elle préfère la solitude. Bernard rétorque que pour lui, c'est pareil. Il vient à peine de divorcer d'une nymphomane. C'est à lui qu'on a confié la garde de leur fils de 2 ans. C'est dire si sa mère était malade. « Mais avec mon métier, tu veux faire comment? Je suis toujours sur les routes. » »« Alors j'ai été bien obligée de le placer en famille d'accueil. » Faustine compatit, espère pour lui que la roue va tourner et chacun rentre chez soi. Pour se revoir le lendemain, puis le surlendemain, et ainsi de suite tous les soirs ou presque de ce mois de décembre. Ils apprennent à se connaître et à s'apprécier en tout bien tout honneur. La veille de Noël, Faustine a bourré sa hotte sans lésiner. Elle arrive à la Hegenheimer Straße en jubilant. Papa, Pierrette, Fabienne et Marc, tout le monde est là, aussi joyeux qu'elle. On mange, on boit, on distribue les paquets, on s'extasie, on rit, on chante, on mange, on boit. À 1 heure du matin, les plus jeunes sont allés se coucher, comblés. Les 3 adultes finissent la bouteille. On a tellement bu que les digues lâchent. Papa Rolf se lance soudain dans de grandes explications où il est question de la maman de Faustine et de tout ce qu'elle lui a fait subir. Pierrette complète et amplifie avec toutes les frustrations accumulées. Payer la pension tous les mois n'a jamais été facile. Ils ont dû se priver, et leurs enfants avec eux, de beaucoup de choses. La conversation prend une tournure larmoyante qui désole la jeune femme qui n'avait pas besoin de cela. Elle sait qu'un jour elle reverra sa mère. La voilà en conflit de loyauté. Enfin, Faustine rentre chez elle avec tous ses cadeaux, dont un superbe manteau d'astrakhan légué par Pierrette, qui lui va aussi bien qu'un diadème à une vache d'errance. Cela ne suffit cependant pas à effacer la déception ressentie suite à la conclusion pathétique de la soirée. Heureusement, elle a réussi à les convaincre de ne pas lui verser la pension directement comme il le lui proposait. Pour le réveillon, Faustine est invitée à Squall, dans les Grisons, par tonton Valti et tata Maria. Ils y ont loué un mobilhome pour la semaine. Le téléphone arabe les a prévenus qu'elle avait rompu avec René. Alors elle récupère la brebis égarée, puisqu'elle est devenue raisonnable. Faustine se rend dans les Grisons en train. Elle n'est pas seule. Tonton a invité son meilleur ami, le fils de celui-ci et les amis de ce dernier. Tous ces jeunes gens sont très sympathiques et célibataires, comme par hasard. Ce soir, on mange une fondue chinoise, un plat chic et cher qui devient à la mode en Suisse à l'occasion des fêtes. Convivial, fonctionnant sur le même principe que la fondue au fromage ou la fondue bourguignonne, il permet à l'hôtesse de passer moins de temps en cuisine. C'est la toute première fois que Faustine en mange. Elle trouve un peu fade cette viande coupée en lamelles qu'on fait cuire dans du bouillon. Les shiitakes et les légumes émincés, c'est pas vraiment son truc, même si les sauces d'accompagnement sont savoureuses. Elle préfère les frites. Après le repas, la joyeuse bande, qui a séché plusieurs bonnes bouteilles, décide de faire quelques pas dehors, histoire de voir si on peut danser quelque part dans le village avant les 12 coups de minuit. Partout, ils trouvent porte close, ce qui ne les empêche pas de rire comme dit tordu, sans aucune raison, et de hurler « Bonne année !» à la cantonade en se lançant des boules de neige. De retour au mobilhome, avant de se coucher, chacun aide à débarrasser. Faustine se charge du caquelon, ayant contenu le bouillon de cuisson de la viande. Elle balance le tout dans l'évier, comme de la vulgaire flotte.